Bonjour et bienvenue dans les chemins de la philosophie. Avant de reprendre l'antenne la semaine prochaine, nous vous proposons cette semaine de redécouvrir une série d'émissions consacrées au cinéma avec au programme Hitchcock, Visconti, Jacques Demy et aujourd'hui Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Il n'est pas mort, il est encore parmi nous. Parmi vous, prêt à vous bondir au visage derrière chaque porte, chaque meuble, chaque fenêtre de votre maison. Et dans le corps à corps qu'il vous impose, c'est lui, forcément, qui sortira vivant. Lui ? Mais qui ça ? Oh, merde ! Vous attendiez qui, les mecs ? Le Père Noël ? Mais non, on attend Alien qui sera bien là, l'extraterrestre qui a besoin de vous pour se reproduire et auquel nous tentons d'échapper depuis lundi dernier. Bonjour Philippe Rouillet. Bonjour Adèle. Le problème avec Alien, c'est qu'on ne sait jamais où il se trouve, il est peut-être sous la table, sous votre chaise. Oui, ou dans nos ventres. Vous êtes enceinte d'un Alien ? Allez savoir. Oh là là, bon, très bien, restez à l'écoute en route sur les chemins de la philosophie. Dans le doute, on commence par évacuer les lieux. De la cage numéro 3. Ouverture non autorisée des cages numéro 5, 7, 8, 10. Foncez ! Évacuation. Allez, allez, allez ! Évacuation. Foncez ! Non, c'était pas un exercice, c'est bien une émission de radio. Philippe Rouillet, vous êtes critique et historien du cinéma à la revue Positif. On vous retrouve également dans Le Cercle, l'émission de cinéma sur Canal+. Vous avez écrit La caméra, le cinéma gore, pardon, une esthétique du sang aux éditions du Cerf. Également des entretiens avec Haneke, le réalisateur Haneke. C'est une autre ambiance, quoique on n'est peut-être pas si loin. Ce qu'on peut dire pour ceux qui sont pas très familiers de la saga Alien, là nous parlons du quatrième, ceux qui ont entendu l'émission d'hier, Ripley était morte. Alien, la résurrection, ça veut dire qu'elle revient parmi nous. Elle revient parmi nous parce qu'elle est clonée. C'est-à-dire que là, vous vous souvenez, dans le numéro 3, elle se suicidait pour éradiquer la race alien qui était en elle. Donc, elle se jetait dans un bain d'acier en fusion. Et là, on pensait que c'était réglé. Mais sauf que on a récupéré une toute petite partie d'elle. Et comme on est évidemment dans le futur, les scientifiques ont réussi à la cloner. Pas pour le plaisir de faire revenir Ripley, même si on aime beaucoup Sigourney Weaver qui reprend bien sûr le rôle. Mais parce que comme elle avait l'alien en elle, en la clonant, on réussit à récupérer son fœtus d'alien, et le but c'est ça. Et donc le numéro 4, cette résurrection s'ouvre avec cette césarienne finalement. On fait une césarienne, on récupère le bébé, et finalement on va laisser quand même Ripley vivre. Alors est-ce que c'est une bonne idée pour l'espèce humaine ? C'est une question intéressante qui plane sur tout le film. Exactement, et donc ce film c'est le quatrième de la saga Alien, La Résurrection, réalisé par Jean-Pierre Jeunet en 1997. Chaque film a son esthétique particulière, puisque chacun des quatre aliens a été réalisé par un réalisateur différent. Je disais que vous étiez spécialiste du cinéma gore. Là, on peut vraiment parler de gore pour ce film. Oui, c'est le plus gore des quatre, même si le premier, le film de Ridley Scott, était extraordinairement gore, avec son espèce d'accouchement de John Hurt au moment du petit déjeuner, par défoncement de la cage thoracique. Mais là, l'idée, c'est que, et c'est un paradoxe, d'un côté, on est sur le clonage, donc on est sur toute cette vision futuriste de la médecine qu'on pourrait croire aseptisée, parce que le clonage, c'est le contraire des humeurs, des liquides, etc. Mais finalement, si. C'est-à-dire qu'il y a un côté complètement... tout est mis cul par-dessus tête, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on fait des clones, mais en même temps, on fait muter les espèces. Et il y a constamment le sang de l'alien, qui est cette espèce d'acide jaunâtre qui va percer le plancher et qui fait un dommage sur les corps humains. Et Jean-Pierre Jeunet n'hésite pas à y aller très fort dans la représentation des corps meurtris, des têtes broyées, toujours avec de l'humour. Il y a la mort du général qui, quand il est, il se fait perforer la tête par derrière et il met quand même sa main à sa nuque et il récupère sa cervelle dans la main. Voilà, c'est ce genre de, parce que c'est aussi le plus gore et le plus drôle. Et les deux sont totalement liés et pour autant, il faut pas croire que c'est une farce ou une parodie. C'est-à-dire que en allant, en poussant les curseurs de l'horreur et du comique jusqu'au bout, Jean-Pierre Jeunet va finalement rendre hommage à la série et la faire muter, la faire avancer. C'est assez étonnant de voir Jeunet dans cette saga. Jeunet, au moment où il réalise ce film, on le connaissait pour Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus. Et là, il se retrouve à Hollywood réaliser le quatrième volet d'Alien. En même temps, quand vous regardez Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, qui sont des films français, qu'il fait avec son collègue Marc Caro, en même temps, c'est des films qui paraissent beaucoup plus chers qu'ils ne sont en fait. C'est-à-dire que c'est quand même des gamins qui bricolent des films de SF qui ont ce look rétro-futuriste qui va finalement très bien avec l'univers Alien, parce que dès le premier Alien, dès le premier vaisseau, on a l'impression que c'est le contraire de la science-fiction clinquante, c'est-à-dire que les navigants du premier vaisseau d'Alien, ils faisaient leur boulot de quasiment de mineurs et d'ingénieurs de la galaxie, et le sol était crado, etc., et on n'est pas dans la science-fiction futuriste. Donc il y a un côté rétro-futuriste qui plaît et qui correspond bien à l'univers de Jean-Pierre Jeunet, et puis plein d'autres thèmes, c'est-à-dire que c'était évidemment un fan d'Alien, il avait adoré l'horreur biomécanique créée par Giger pour le premier film. Pendant ce temps-là, lui, il faisait le bunker de la dernière rafale. Et quand on lui fait la proposition d'Alien, eh bien... On va le chercher. On va le chercher. Mais c'est-à-dire que ça, c'est l'éternelle histoire d'Hollywood. Hollywood a toujours voulu avoir les gens les plus créatifs pour parfois les museler. Mais alors vous allez me dire, mais écoutez, Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, mais c'est ce que j'ai demandé à Jean-Pierre Jeunet. J'avais pas l'impression que ça avait été un grand succès aux États-Unis. Alors ça n'a pas été un grand succès en salle, mais tous les gens du cinéma avaient à l'époque c'était les laserdiscs. Et quand il arrivait à Hollywood, tout le monde connaissait ses films et tout le monde appréciait le travail qu'il avait fait sur ses films. Donc il y avait cette idée que ce Français était là. Et Sigourney Weaver a insisté pour qu'il fasse venir, par exemple, Dominique Pinon. Qu'on entendait là tout de suite dans le petit morceau quand il dit c'est pas le Père Noël. Dominique Pinon, qui est un acteur fétiche de l'univers de Jean-Pierre Jeunet, et à ce moment-là il était au théâtre et Jeunet me racontait que Sigourney Weaver s'est agenouillé devant le téléphone en disant s'il vous plaît Dominique, abandonnez votre pièce à l'Odéon pour venir jouer dans notre Alien. Donc avoir l'honneur de voir Sigourney Weaver s'agenouiller devant soi pour nous prier de venir jouer dans un film, c'est quelque chose. Tout ça, vous le racontez dans un entretien qui était paru dans Positif en 98, juste après la sortie du film. C'est un entretien pour ceux qui peuvent mettre la main sur ce numéro-là. Il est vraiment exceptionnel parce que vous n'êtes pas simplement un orateur hors pair, Philippe Rouillet, vous savez poser des bonnes questions au réalisateur. Donc bon, De vous, quel compliment. On n'a pas pu avoir Jean-Pierre Jeunet malheureusement, mais on va regarder ce film avec vous, enfin le regarder, essayer de le commenter, le comprendre. Peut-être chacun le comprend à sa façon. On va entendre une scène tout de suite, le réveil de Ripley qui se retrouve à table. Alors faut se dire, elle a dormi depuis combien de temps? On peut pas vraiment savoir. Elle a été clonée en fait, donc c'est plus elle. En revanche, elle a une mémoire. Donc, c'est ça qui surprend les scientifiques, c'est que normalement, elle devrait pas avoir de mémoire, et finalement, elle en a une. Enfin, elle a une mémoire, parfois, elle se trompe sur les mots, écoutez. Fork. Fuck. It's fork. Comment vous m'avez... Comment? On t'a créé? Oui. Un long travail. À partir de ton sang congelé et récupéré sur la planète Fiorina 16, là où tu es morte. On t'a reconstitué. On t'a cloné. Est-ce qu'il grandit? Oui. Très rapidement. C'est une reine. Comment tu sais ça? Elle va pondre. Vous mourrez. Tout le personnel de la compagnie mourra. La compagnie? Quelle compagnie? La Vellorn, Yutani. Les anciens employeurs de Ripley, des colonisateurs, un conglomérat qui était en cheville avec l'armée pour des contrats de défense. Je crois que tu verras que... Après toi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'en doute fort. On n'avance pas à l'aveuglette, tu sais. C'est l'union des systèmes militaires, des hommes qui ne s'intéressent pas qu'à l'argent. Oh. Ça n'y changera rien. Vous mourrez quand même. Et c'est tout ce que ça te fait. Je voudrais tant que tu comprennes ce que nous faisons ici. Ce que pourra accomplir cette créature va plus loin qu'une simple pacification, des nouveaux alliages, des vaccins. On n'a jamais rien découvert ailleurs qui soit si prometteur. Ça devrait te faire très plaisir. Oh. C'est le cas. Et cet animal a une telle force, un tel potentiel inimaginable, si nous le dressons bien. Donne la patte, apporte ça, couchez. Vous ne le dresserez pas à faire des tours. Pourquoi pas? On te dresse bien, toi. tout le défi de la part des personnages du film, c'est de démontrer et convaincre le spectateur que c'est une bonne idée de recréer l'alien. Or, ce que Sigourney Weaver, Ripley, sait très bien, c'est que de toute façon, on ne pourra jamais le dompter. Mais la réplique qu'on lui fait à ce moment-là est très juste. Oui, mais nous arrivons bien à te dresser. Mais non, justement, en fait, c'est qu'une mise en abîme. On ne peut dresser personne et surtout pas un clone qui n'a rien d'humain. Ben, c'est exactement ça. Et ils ne l'ont pas dressé, de toute façon. Et ce qui est très fort, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque épisode de la série a son univers particulier. Mais chaque épisode a aussi une replay particulière, c'est-à-dire que le personnage évolue, et dans une toute première version du film, elle n'était pas là. Elle n'était pas là, ils récupéraient Alien sans elle, et ils se sont tout de suite aperçus que c'était une très très mauvaise idée, et qu'Alien était dénaturée sans Ripley. Mais elle voulait plus, c'est ça, non? Si, parce que finalement, elle s'est laissée convaincre assez habilement quand elle a vu qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Parce qu'elle dit à la sortie du troisième, j'ai voulu faire en sorte que mon personnage meure pour tourner la page, on avait fini avec Alien, etc. Oui, et mais là, on lui a proposé quelque chose de très intéressant, parce que cette fois-ci, c'est pas, j'allais dire, les trois premiers, c'est l'évolution de l'image de la femme dans la société américaine. Entre la femme qui s'assume dans le numéro 1, qui est à la fois séductrice, elle termine quand même en petite culotte et maillot très sexy, et en même temps c'est une battante, et puis ça préparait l'image de la mère de la working girl qui est en même temps la mère dans le numéro 2, et puis dans le numéro 3 c'était la tentation New Age, le côté mystique, la peur du sida, tout ce que vous voulez, le corps humain en suspens. Tout ce qu'on ne veut pas, justement. Et là, on pouvait dire qu'on avait un peu exploré tout le spectre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on repart sur autre chose, puisqu'elle est à moitié humaine, à moitié inhumaine, puisque c'est un clone. Et que ce qu'elle a en elle, c'est alien. Alors, vous allez me dire, c'était déjà le cas dans le numéro 3. Mais vraiment, l'alien qui est en elle, c'est le mal. C'est une figure du mal, évidemment, l'alien. Et donc, dans quelle mesure elle est bienveillante ou pas, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que le dernier mot du film, elle explique, à toute fin du film, la dernière réplique du film, elle dit qu'elle est étrangère. Elle est étrangère à ce monde. Et en fait, elle est étrangère, elle est devenue étrangère aux humains. Ce que c'est-à-dire, signifie alien, d'ailleurs, en anglais, ça veut dire étranger. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit à quel point le film boucle la boucle. Et elle aura toujours cette distance par rapport à l'espèce humaine. Avec quand même, à la fin du film, il va falloir choisir entre les deux espèces. C'est-à-dire que, puisque toute la série raconte le combat finalement des humains contre les aliens. Les humains pensent toujours, comme ils sont très prétentieux, qu'ils vont coloniser les aliens, qu'ils vont les domestiquer, c'est encore l'extrait qu'on vient d'entendre là, qu'ils vont pouvoir s'en servir pour faire des vaccins et je ne sais quoi d'autre, alors qu'évidemment, l'alien, c'est le mal et la brutalité à l'état pur. Donc c'est impossible à domestiquer, à dresser, je ne sais pas quoi en faire. Mais en tout cas, chaque film raconte cette... Et à la fin du film, à la fin du 4, Ripley est en position de faire l'arbitre entre les deux forces et elle va devoir choisir. Vous citiez cette scène de Ripley qui est en petite culotte, qui doit sauver sa peau et qui devient avec son petit chat et qui devient il fait référence à sa maternité. On y voit, on peut y associer, voir un clin d'œil contemporain dans le film de Gravity, notamment où Sandra Bullock à la fin est aussi en petite culotte apprend qu'elle a perdu son fils. C'est évidemment iconique. Enfin, je veux dire, cette image d'alien qu'on a vue en 79 était vraiment un électrochoc dans le cinéma de science-fiction. C'est-à-dire que faut bien voir que le cinéma de science-fiction, ça a longtemps été un truc un peu pour les gamins, un peu bonnet. Arrive en 68 2001 l'Odyssée de l'espace, qui change la donne et qui amène la métaphysique dans le cinéma de science-fiction. Et alors qu'on croit cette partie-là gagnée, tout rebondit en 77 avec coup sur coup deux films qui sont La guerre des étoiles, dont on parle puisqu'il y a le numéro 8, et Rencontre du troisième type, dont on parle puisqu'on fête les 40 ans et qui ressort en salle en ce moment même dans sa version restaurée. Et ces deux films parlent de la relation avec l'extraterrestre, etc. Donc, les succès de ces films incitent les studios à faire de nouveau des films de science-fiction. Et on va faire Alien. Et Alien, c'est le mélange du cinéma d'horreur et le cinéma de science-fiction. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez le monstre qui vous poursuit dans les couloirs, sauf que les couloirs, c'est pas les couloirs d'un château gothique, c'est les couloirs d'un vaisseau spatial et que vous êtes dans le futur, et que le monstre, c'est l'extraterrestre. Alors, à partir de là, pour lutter contre l'extraterrestre, finalement, on a trouvé quoi ? On a trouvé une jeune femme. Et c'est lié à tous les films, les slasher films qu'on voit à la même époque. Et Halloween, Freddy, Vendredi 13, où c'est souvent une jeune femme, une jeune vierge ou une jeune femme qui va lutter contre le monstre surnaturel. Et là, c'est une jeune femme et qui est putativement mère de famille. Et ça renvoie évidemment à tout ce thème de la maternité qui est au cœur de la série Alien. Les quatre épisodes d'Alien nous parlent de la maternité, puisque la reproduction du monstre, on nous parle, le monstre, l'avènement du monstre à l'écran, il passe par cette espèce de césarienne sauvage où il défonce la cage thoracique de John Hurt pour sortir. Et avant, il y a une gestation par le visage à travers un œuf et ce qui sort. Qui rappelle un viol d'ailleurs, la façon qu'a l'alien de s'emparer du voilà, visage. Voilà, le facehugger qui se met sur votre figure et qui évidemment vous pénètre la bouche. Et pond à l'intérieur de votre bouche cet œuf qui va et cette créature qui va vous sortir par le thorax. Et il faut vous souvenir que dans le premier Alien, le vaisseau spatial est dirigé par un ordinateur. C'est pas Al 9000 dans 2001. L'ordinateur s'appelle comment ? Mother. Et voilà. Maman, et dans les trois, il y a Mother, sauf dans et le father. 4. C'est dans le 4 voilà. Qu'on bascule. Et que l'ordinateur de bord s'appelle Phaser. Ça, vous l'expliquez comment ? Que ça devient un homme ? Tout est inversé dans Alien la Résurrection. C'est-à-dire que, pour la première fois, l'alien naît non pas en défonçant la cage thoracique, mais par une vraie césarienne, puisqu'on opère le Ripley, le clone, et cette fois-ci, c'est une femme, c'est pas un homme qui va accoucher. Donc on revient, semble-t-il, à quelque chose qui relèverait des lois naturelles, c'est-à-dire qu'il y a une femme à qui on fait une césarienne et on lui prend son bébé. Bon, après, il se trouve que son bébé, c'est un alien, ça arrive évidemment pas tous les jours, mais voyez comment on inverse les choses en revenant à une espèce des choses naturelles, d'autant que la créature qui va sortir donc du ventre de Ripley devient, elle le dit dans l'extrait, une reine. Alors, une reine qui va pondre, mais pas seulement pondre. C'est une reine qui va aussi enfanter. C'est ça. Et enfanter avec un système de reproduction qui est celui des mammifères. C'est la mutation de ce dernier alien, enfin de ce quatrième. C'est pour ça qu'on peut penser à l'ordinateur qui s'appelle Phaser. Voyez comment on rechange toutes les valeurs. C'est le film qui inverse les genres. Et donc, l'ordinateur a changé de sexe. Et comme l'alien a changé de mode de reproduction. Toute l'ambiguïté qui va pouvoir naître de cette nouvelle situation, c'est que Ripley va pouvoir se considérer, ce sont ses propres mots, comme la mère du monstre. Et or, une mère, même si elle enfante d'un monstre, peut-elle être absolument indifférente au sort de ce monstre ? La réponse est sans doute non. Écoutez Ripley. What's inside me ? Look, we can't just leave him here. I thought you came here to stop him from spreading. What's inside me? There's gotta be a process. Can you stop it? Got no time for that. Et si on le congelait? Vous allez me dire que j'ai dans le ventre! Tu as un monstre au fond de toi. Ces types ont piraté la navette où tu étais. Et ils ont vendu ton cryotube à cet homme-là. Il t'a mis un alien à l'intérieur du corps. Un spécimen très agressif. D'ici quelques heures, il va sortir en te crevant la cage thoracique. Et tu vas mourir. D'autres questions ? Qui êtes-vous ? Je suis la mère du monstre. Beaucoup plus encore que ses frères, la fillette est préoccupée par les mystères sexuels. Dans le mariage, dans la maternité, c'est toute la destinée de la petite fille qui est mise en question. Et dès qu'elle commence à en pressentir les secrets, son corps lui apparaît comme odieusement menacé. La magie de la maternité s'est dissipée. Qu'elle ait été renseignée plus ou moins tôt, de manière plus ou moins cohérente, elle sait que l'enfant n'apparaît pas par hasard dans le ventre maternel, et que ce n'est pas un coup de baguette qui l'en fait sortir. Elle s'interroge avec angoisse. Souvent, il ne lui semble plus merveilleux, mais horrible qu'un corps parasite doive proliférer à l'intérieur de son corps. L'idée de cette monstrueuse enflure l'épouvante. Et comment le bébé sortira-t-il ? Même si on ne lui a jamais parlé des cris et des souffrances de la maternité, elle a surpris des propos, elle a lu les mots bibliques, « tu enfanteras dans la douleur », elle pressent des tortures qu'elle ne saurait pas même imaginer, elle invente d'étranges opérations dans la région du nombril. Si elle suppose que le fœtus sera expulsé par l'anus, elle n'en est pas plus rassurée. On a vu des fillettes faire des crises de constipation névrotique quand elles ont cru découvrir le processus de la naissance. Des explications exactes ne seront pas d'un grand secours. Les images d'enflures, de déchirures, d'hémorragies vont la hanter. Peut-être que le cinéma gore n'a rien inventé. Peut-être que le vrai gore est dans la réalité, Philippe Rouillet, quand Simone de Beauvoir décrit l'état dans lequel l'idée d'un accouchement peut plonger une fillette ou une jeune femme enceinte. Elle emploie les mêmes termes que ceux qu'on emploie pour parler d'aliens, hein, monstrueux, épouvantable, fœtus, expulsion de fœtus, hémorragie, hantise. Dans Le deuxième sexe, l'ouvrage de Simone de Beauvoir, elle utilise même le terme de parasite pour décrire le fœtus qui est dans le corps humain. Ça décrit exactement ce à quoi nous assistons quand on regarde un film alien. C'est un texte merveilleux, mais ça nous renvoie à ce qu'est le cinéma d'horreur. Pourquoi regarde-t-on des films d'horreur ? C'est pour se faire peur, et pas seulement. C'est parce que c'est un miroir déformant de notre réalité, de notre peur de mourir, et évidemment de notre fascination et de notre peur d'enfanter. Et c'est ça qui se joue dans le cinéma d'horreur. Et effectivement, toute la série Alien fonctionne là-dessus. C'est pour ça que le vaisseau s'appelle Mother, enfin l'ordinateur, parce que on peut voir le vaisseau comme une matrice. Et dans Alien la Résurrection, c'est accentué. Il y a une scène de poursuite qui est aquatique. C'est-à-dire que tout a été inondé et les personnages doivent cavaler sous l'eau. Il y a deux aliens qui les poursuivent à la nage sous-marine et on peut voir ça comme une image du liquide placentaire. Et d'autant qu'il s'agit, au bout de course, de remonter un conduit et de déchirer une membrane. On est très proche de la mise en abîme de l'accouchement. Et pour pointer le tout, en fait, on débouche dans une salle qui est entièrement cerclée de deux d'aliens, ouais. Avec des œufs d'aliens. C'est-à-dire qu'on est dans la maternité de l'alien. Dans la nidification ouais. de l'alien. Vous voyez comment on décline ça à l'infini. Mais les mots de Simone de Beauvoir sont là, et effectivement, on pourrait les utiliser tels quels, avec notamment cette idée que les images ne peuvent pas totalement rassurer. C'est très beau cette idée que si on montre la réalité, alors autant montrer une réécriture de la réalité, parce que ça peut à ce moment-là nous faire plaisir et peut-être évoquer des choses encore plus fortes en nous. Quand Ripley dit « Je suis la mère du monstre », elle a le ton froid du clone qu'elle est, mais on sent aussi que si elle se positionne elle-même à cette place-là, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'elle se constitue. Elle dit pas le monstre est sorti de moi, j'ai donné naissance. Elle dit je suis la mère. La notion de maternité ici n'est pas simplement une image. Elle la revendique pendant tout le film. C'est-à-dire que, et elle est, on l'entendait tout à l'heure dans le dialogue avec le savant, elle était très fière en disant vous allez tous mourir, mon gamin, vous allez pas le domestiquer, etc. Alors, moi, j'attire l'attention sur le fait que si on considère qu'elle est la mère de l'alien qui était en elle, qu'on a enlevé, quand l'alien se reproduit, elle serait donc la grand-mère. Oui. Elle serait donc la grand-mère de l'alien qu'on a dans la dernière partie du film. Alors, deux mots sur cette alien quand même, pas même plus, parce que chaque volet de la saga Alien propose une mutation de l'alien quand même. À chaque fois, il change de forme. Dans le 3 dont on parlait hier, on voyait un alien très stylisé, hein, avec un long crâne noir, luisant, qui courait, on voyait le plaisir qu'il y avait à dessiner, à imaginer cet alien. C'était un film de Fincher, faut pas oublier. Faut penser à l'univers des metteurs en scène par rapport à la représentation d'Alien. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir, alors que c'est le premier film de Fincher, on peut dire que tout le cinéma de Fincher est déjà dans Alien, que j'appelle plutôt cube que 3, mais ça c'est une autre... Oui, c'est le 3, c'est puissance 3. C'est quoi. Puissance c'est, ouais. 3 plutôt que numéro 3. Voilà, dans l'Alien Cube, on avait déjà affaire à un autre Alien, alors là, coup de théâtre, s'il en fallait un supplémentaire, parce que tout le film, le quatrième dont on parle aujourd'hui, est absolument haletant, chaque scène c'est conduit à une suite autre, de rebondissements. Voilà, pour le spectateur, c'est aussi un très bon moment ou un mauvais moment à passer, c'est selon, mais ça laisse pas du tout indifférent. On assiste à cette mère porteuse qui va accoucher, au sens propre du terme, cette fois non plus pondre, mais accoucher d'un alien, qui celui-ci, puisqu'il a été fécondé en partie par Ripley, est mi-alien, mi-humain. Ce bébé alien a donc une nouvelle esthétique, il est plus blanc que le noir, les autres étaient plutôt noirs, lui a une couleur de peau, si on peut parler de peau, qui est vraiment claire. Et qui, la caméra joue et beaucoup puis les yeux, les yeux. Voilà, dont le visage semble quand même faire référence à des airs de familiarité avec Ripley. C'est ça qui est absolument troublant. Ben c'est ça qui est beau, ben c'est forcément, puisque ça vient d'elle, il y a son sang. C'est vraiment une créature hybride. C'est pour ça qu'on disait en début d'émission que tout est bouleversé dans ce film. On est vraiment dans le transgenre, dans les trans races, trans nature humaine et inhumaine. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est pas simplement de se dire, ah ben oui, ben alors il a fait un alien différent, fallait bien qu'il fasse un alien différent. C'est que cette humanité là est scénarisé. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un monstre qui est presque une abstraction, vous voulez vous en débarrasser, c'est une chose. Là, ça devient autre chose, parce que tout d'un coup, il y a un regard d'une humanité, et tuer le monstre, c'est aussi tuer une partie de vous-même. Alors, le film s'ouvre à ce moment-là sur un vertige. D'autant que cet alien considère lui aussi Ripley comme sa mère, c'est-à-dire c'est que ça. D'un côté, elle revendique qu'elle est la mère, mais lui revendique bien qu'il est le rejeton. Et en cela, il aime sa mère. Ça, c'est très explicite à l'écran. C'est très explicite. Il lui fait des câlins, des bisous. Voilà. Elle ne subit pas du tout le sort des autres humains qui sont alignés face à des œufs. Elle est portée. Elle est portée par l'alien. Elle est par la reine. Elle est bercée. Et il y a ce plan incroyable où elle est bercée par la mère. C'est un moment de cinéma. Décrivez-nous cette scène. Vous le ferez mieux que moi. C'est-à-dire qu'elle est happée dans le repère de la bête, et à ce moment-là, un mouvement de caméra nous montre que la reine pondeuse est enceinte, et on n'en finit plus de découvrir son corps. C'est-à-dire qu'il est tellement volumineux, il remplit tellement l'écran que le mouvement de caméra nous le décrit. C'est presque un clin d'œil à, vous savez, ces films de science-fiction où on a ces grands mouvements de caméra pour décrire les vaisseaux qui sont si longs, etc. Et là, c'est le corps de l'alien. Et on ne sait pas du tout à ce moment-là du film ce qui va se passer, comment l'alien va réagir par rapport à Ripley. Et finalement, elle la porte avec toutes ses tentacules, elle la porte comme en triomphe. Et il y a une espèce de volupté, ah oui, de volupté érotique. Alors, qui renvoie évidemment, c'est l'érotisme de la relation mère-enfant. Mais même là, le trouble est plus grand, parce qu'on peut se permettre, comme évidemment, c'est pas tout le monde qui accouche d'un alien, ou l'inversement, donc on peut se permettre des fantaisies, et je crois que Jean-Pierre Jeunet s'est un peu calmé au montage, je crois qu'il allait beaucoup plus loin dans le côté sexué du câlin. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très sensuel qui se joue là, c'est la première fois dans la série que la relation avec l'alien devient quelque chose de sensuel, qui devient autre chose que le bio-organique. Elle fait penser à la Vénus de Botticelli qui sort des eaux avec sa chevelure comme ça, avec une beauté presque pure, alors qu'on est dans le mal absolu. C'est exactement ça. Et donc, ça nous prépare à cette fin où elle se retrouve avec son bébé alien. Alors, le bébé alien, il fait quand même une taille qui est au moins aussi grande que sa mère, mais qui veut des câlins, qui a des regards d'apitoiement. Et comment faire avec ce bébé si mignon qui va détruire l'espèce humaine? On va laisser le sort du bébé en suspens encore un moment, Philippe Royer, parce que ça arrive plutôt vers la fin du film, et il y a encore beaucoup d'autres choses que le film développe et que nous n'avons pas encore abordées. Une autre manière d'explorer cette non-humanité, c'est quand même le sujet du film, est incarnée dans un autre personnage qui cette fois-ci est interprété par Winona Ryder, qui fait partie des pirates de l'espace qui viennent pour apporter des corps de manière à ce qu'ils soient fécondés par les aliens. Le but est quand même de faire en sorte qu'ils se reproduisent au maximum. Celle-ci fait partie de son équipe, d'un équipage un peu, disons, ce sont des voyous sympathiques, un peu violents quand même. Des pirates de l'espace. Voilà, c'est pirates de l'espace. Elle est une espèce de fille. Alors, c'est Winona Ryder, donc elle est toute gracieuse, toute petite. Femme enfant. On se rend compte que, oui, mais elle sait très bien se battre, hein, quand même. On voit assez rapidement qu'elle sait se défendre. Et à un moment, elle est blessée lors du combat contre l'alien, et on se rend compte que ce n'est pas un être humain. C'est un androïde. On croit qu'elle meurt. Cette image très beau qu'on retrouve dans plusieurs films de Jean-Pierre Jeunet, d'ailleurs. Et c'est intéressant de voir comment il grève son univers. C'est-à-dire de la femme qui tombe, dans l'eau et qui s'enfonce. C'est l'innocence qui se noie. Et à ce moment-là du film, on croit qu'on a mis une croix sur le Winona Ryder, quoi. Elle serait morte. Puisque dans la saga Alien, régulièrement, les vedettes meurent. Donc, on se dit que ça y est, on a perdu Winona Ryder. Et elle réapparaît. Oh, voilà, réapparaît. Résurrection. Elle aussi. Et on se dit, mais comment se fait-ce? Mais parce que c'est un androïde. Alors, il faut savoir que dans chaque épisode d'Alien, il y a un androïde. Voilà. Et dans chaque épisode d'Alien, l'androïde ne nous est pas donné au départ comme androïde. C'est-à-dire que... On découvre. Comme il ressemble, c'est comme, non, on est comme chez Blade Runner et tout ça, on sait pas à l'avance que ce sont pas des êtres humains, et c'est quand ils sont blessés que tout d'un coup on s'aperçoit que c'est pas du sang qu'ils ont, mais une espèce de liquide, etc., et que c'est des machines. Et plus on avance dans la série, plus les androïdes sont extraordinaires, sophistiqués, et là, vraiment, quand on touche chapeau, etc., on n'imagine pas du tout ça. Et dans le film, cette révélation arrive vers les trois quarts du film. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on découvre le film la première fois, on se dit pas, mais où est l'androïde? Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est bien sûr, il y avait un androïde à bord, et on le découvre à ce moment-là. Et c'est une femme, là encore, les rôles sont inversés. Écoutez, la discussion qui suit entre l'androïde Winona Ryder et le clone Sigourney Weaver. Father, locate the power drain. Report. Father? Father! Father's dead, asshole. Présence non autorisée au niveau 1. Appel à tous les aliens. Regroupez-vous au niveau 1. Tu es une vraie sadique. Pourquoi tu t'accroches à la vie? Ça doit être intolérable d'être ce que tu es. J'ai pas le choix, tu sais. En tout cas, il y a une partie de toi qui reste humaine. Moi, je... Regarde-moi. Je me t'écoute. Pourquoi tu es venue ici? Pour te tuer, tu te rappelles pas? Avant qu'on nous annule, j'ai accédé au bloc mémoire. Toutes les saletés secrètes couvertes par le gouvernement y sont répertoriées. Et ça aussi, toi, les aliens, et même l'équipage du Betty. Je savais que s'il réussissait, tout le monde y passerait. Pourquoi tu essaies tant de protéger les hommes? Parce que je suis programmée pour ça. Tu es programmée pour être une conne? C'est toi la conne dernier modèle du catalogue? Tu es folle. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je ne pouvais pas les laisser se détruire eux-mêmes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ce qu'il y a de formidable dans cette discussion, c'est qu'on rend compte que c'est l'androïde qui tient les propos les plus humains, celle qui se dégoûte de ne pas être humaine. Il y a toute l'envie de l'androïde qui voudrait être humaine et qui trouve que même un clone est plus humain qu'elle-même. C'est merveilleux, là encore, cette inversion des rôles. Et comment, je pense qu'on l'a pas assez dit à l'époque, comment le dialogue du film est de très très grande qualité. Ah oui, de loin. D'ailleurs, des quatre, c'est sans doute là où on trouve les meilleurs dialogues. Parce que c'est aussi là où c'est le plus drôle. Et en fait, c'est parce qu'on peut être drôle qu'on peut être profond, finalement, dans un cinéma comme celui-là. Et on n'est pas dans les punchlines habituelles des blockbusters, on est dans quelque chose. T'as donc été programmé pour être une conne, c'est merveilleux comme propos. Et c'est abyssal. C'est une réponse à tout le cinéma de science-fiction où on a programmé les ordinateurs et finalement ils prennent leur indépendance par rapport à l'être humain pour les assassiner. C'est 2001. C'est 2001 au-dessus de l'espace. Voilà la réponse à 2001. C'est-à-dire que là, l'ordinateur va rester dans sa programmation, va rester pour sauver l'être humain. Et il est face à ce clone qui est Ripley, qui sait même plus, qui regarde de manière détachée l'espèce humaine. Et on peut penser que dans cette relation, c'est à ce moment-là du film que Ripley va se prendre d'un amour presque filial pour l'androïde. Et que finalement, si elle va choisir de sacrifier son bébé alien à la fin, c'est peut-être pour sauver sa fillette androïde. Et il y a cette relation entre les deux actrices. Le film est très bien casté. Sigourney Weaver est une femme très grande, très belle, très très géante. Et à côté de ça, Winona Ryder est une petite chose, une miniature très jolie, très sensible. Et on sent bien le rapport qu'il y a entre les deux femmes. Les deux femmes qui sont plus ou moins productrices du film, hein, pour... pour bien s'occuper de leur personnage. C'est ce qui se fait aux États-Unis. Hein. Les comédiens sont les comédiens importants, les stars se mettent coproducteurs du film, non pas pour réécrire, mais comme ça, ils gardent la main sur leur personnage. Et là, il y a eu une entente très forte entre les deux comédiennes et elles ont pu développer cet aspect-là qui était peut-être que simplement en germe dans le scénario. Je pense que Alien, la résurrection est le film qui a le plus bougé entre le scénario de départ et ce qu'on a à l'arrivée et qui a bougé dans un sens favorable. C'est-à-dire que les autres films ont des director's cut, celui-ci n'a pas de director's cut. Parce que Jean-Pierre Jeunet dit, ma director's cut, c'est celle que vous avez vue en salle en 97. C'est comme ça. Alors après, si vous regardez sur le DVD, le Blu-ray, il y a une version alternative avec des scènes en plus, des scènes différentes. Mais la version telle qu'il voulait, c'est celle-là, parce qu'il a pu développer cette profondeur-là, notamment. Avec la complicité des actrices. Écoutez comment Jeunet lui-même en parlait en 1997. C'était au micro de Michel Simon dans Projection Privée. Elle est très présente parce que personne ne connaît mieux Alien qu'elle, parce que finalement, je crois que c'est la seule personne physique qui a fait les quatre. Et évidemment, elle connaît Ripley mieux que personne. Donc, elle a son mot à dire, mais je dois dire qu'elle s'occupe principalement de son personnage plutôt que du film. À partir du moment où elle a donné son accord sur le metteur en scène, elle était ravie de travailler avec moi parce qu'elle avait vu les deux autres films. Elle m'a fait entièrement confiance, donc on a travaillé ensemble son personnage. Et là, oui, par contre, elle intervient énormément. Elle est extrêmement créative. La première fois que je l'ai rencontrée pour travailler, j'avais quelques petites idées. Elle m'a dit non, voilà comment je vois les choses. Elle m'a montré et j'ai compris que ça allait être comme ça. Bon, c'était parfait parce que ce qu'elle me montrait était formidable. Donc j'ai complètement été dans son sens et puis j'ai travaillé à modifier le scénario pour l'aider, pour lui apporter de l'eau à son moulin, pour la nourrir. Ce qui fait que j'ai rajouté des scènes comme quand elle tombe dans cette espèce de nid de vipère gluant que les Américains appelaient le sphincter. Et puis quand l'alien l'emporte comme un bébé, tout ça n'existait pas. C'est venu naturellement, une fois que vous avez vraiment le sujet du film, que vous avez compris quel est le nerf, après tout devient comme une logique infaillible. Alors quand on entend cette voix dans le cadre d'une émission sur Alien, il est difficile de ne pas faire un parallèle. Hein. Il parle de Sigourney Weaver qui est comme quelqu'un qui a nourri le film, il a voulu la choyer. Il y a comme une relation ici presque de maternité ou de paternité envers son actrice à qui il doit beaucoup. Ah ben complètement, parce que c'est aussi son actrice qui l'a choisie. Elle s'est pas beaucoup occupée du film, mais elle a contribué au choix du réalisateur, c'est-à-dire que ainsi que Winona Ryder d'ailleurs. Voilà, quand on lui a proposé de faire le film, ainsi qu'à d'autres cinéastes européens, l'interview a été faite quand il était à Los Angeles pour rencontrer les producteurs du film. Les deux comédiennes étaient là, et c'est les deux comédiennes qui ont participé activement au choix, parce que on se rend bien compte, même si elles restent uniquement sur leur personnage, il faut que le courant passe avec le metteur en scène pour qu'elles aillent dans le même sens, pour inventer ensemble. Parce que ce qu'on comprend pas toujours, nous, cinéphiles français, c'est qu'on a une image de la cinéphilie avec le réalisateur qui est tout puissant. Mais aux États-Unis, derrière, il y a le studio. Et le studio, notamment, vous impose des cadences terrible. C'est-à-dire que vous avez des très gros moyens financiers, mais vous devez produire beaucoup de films, beaucoup de métrages par jour. Donc, il faut être vraiment très lié avec vos comédiens si vous voulez inventer, faire des choses en plus que ce qui était prévu, parce que sinon, il y a pas le temps et il y a la mécanique du studio qui va vous broyer. Et en plus, c'est important de faire corps ensemble, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur n'a pas la main sur le montage final. Aux États-Unis, à l'inverse d'en France. En France, on n'imagine pas dire à Bertrand Tavernier « Bon, ben là, votre film, on va le prendre, on va le changer. » C'est pas comme ça que ça peut... Alors qu'aux États-Unis, au bout du troisième montage, le studio récupère le film et même peut engager un autre metteur en scène pour faire des retextes, pour faire d'autres séquences. Donc, c'est important de faire avancer le film et de nourrir. Tous les réalisateurs vous disent que leur film, c'est leur bébé. Que c'est leur enfant. La mise en abyme est troublante. Vous demandez à un réalisateur, il préférera toujours celui qui a été le moins aimé, parce que c'est comme un enfant qui est moins aimé, donc lui, il va l'aimer davantage puisque les autres l'aiment moins, etc. Et il fait comme ça aussi avec ses comédiens. Parce que Jean-Pierre Jeunet, c'est un cinéaste qui aime être plutôt dans l'empathie et plutôt on est une famille et on avance ensemble pour faire un film. Voir la fidélité qu'il a à ses collaborateurs. On parlait de Dominique Pinon, mais c'est vrai, la photo du film qui est sublimissime, c'est Darius Kondji. Alors Darius Kondji, aujourd'hui, évidemment, il est associé au plus grand film hollywoodien, mais au départ, Darius Kondji, il vient de Caro Jeunet. C'est Delicatessen, c'est La Cité des Enfants Perdus, et c'est tout naturel qui vient à Hollywood avec, et le monteur Hervé Schned. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'équipe, Pitoff qui fait les effets spéciaux, il y a toute une partie de l'équipe française qui vient imposer cet univers-là, et c'est très très intéressant. Et heureusement pour Jeunet, parce qu'il parle pas anglais, je crois, c'est ce qu'il dit. Il parle mal anglais, voilà, il a besoin d'avoir des traducteurs. Oui. Il faut qu'on retrouve le bébé alien qu'on a laissé dans l'espace, Philippe Rouillet, qui va nous amener vers la fin du film. Peut-être racontez-nous comment on en arrive là, comment est-ce qu'on se retrouve dans un endroit, dans une espèce de capsule qui est censée nous sauver, où il y a ce bébé alien à bord avec Sigourney Weaver en face. Bah, c'est-à-dire que la seule solution, le vaisseau, la base spatiale est infestée d'aliens avec tous les œufs compondus, etc. Donc la seule solution, c'est évidemment de faire exploser Phaser. Hein, il faut détruire le père et se sauver dans une capsule. Les rescapés et les comme rescapés. Comme à chaque alien d'ailleurs. Oui. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que qui sont les rescapés, c'est que des marginaux. C'est-à-dire que c'est un clone, une androïde, un handicapé et un géant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il y a aucun être humain, j'allais dire normal, traditionnel, normatif, aucun wasp. C'est autre chose. C'est la normalité, c'est la waspitude. On est mal barré. Voilà. Et évidemment, comme la porte ferme mal au moment de partir. Et découvre que le bébé alien a réussi à s'introduire dans le... Et le problème, c'est que la capsule va vers la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une fois de plus Ripley qui prend les choses en main. C'est, je veux dire, dans toute la série, c'est toujours cette femme qui prend les choses en main. Et elle va avoir l'idée, quand le bébé alien lui fait un câlin et qu'elle s'aperçoit qu'il a été blessé, avec un peu de sang qui forcément est très acide, elle fait un trou dans la vitre de la capsule, et donc évidemment c'est l'air qui s'engouffre et le bébé va être aspiré dans l'espace, et comme c'est un tout petit trou, c'est-à-dire que c'est toute sa tripaille, tout son intérieur qui va être éjecté avec la peau qui reste jusqu'au bout dans le vaisseau. Donc le plan est extraordinairement gore. Et très long, ça dure longtemps. Très très long, mais c'est ça le gore, c'est-à-dire que, vous savez, le gore c'était quoi au départ? C'était, on montre les gens qui meurent beaucoup plus longuement, que c'est pas juste on vous tire dessus et il y a un petit trou rouge qui simule la balle, on voit tout d'un coup l'éclat de balle et surtout on voit que ce qui était dedans passe dehors. Et là on peut dire que c'est exactement la métaphore du gore, ce qui est dedans le vaisseau passe dehors dans l'espace. Et c'est la même chose avec le corps humain. Mais avec le gore, on peut dire que le corps devient le lieu de l'action. Alors pourquoi si gore à ce moment-là du film? Eh bien, Jean-Pierre Jeunet s'en explique. Dans Délicatessen, comme on tuait des êtres vivants, on pouvait pas être aussi gore. Là, ce sont les aliens, ce sont des monstres, on peut y aller, c'est quand même... Et il y a aussi une chose, c'est que je pense que ça peut pas être aussi effrayant que le numéro 1. Quand on arrive à un numéro 4, on les connaît, c'est quand même à peu près les mêmes bêtes. Donc je me suis dit qu'on ferait moins peur, il fallait peut-être être un peu plus dégoûtant pour conserver le même niveau de tension qu'effrayant. Voilà, il faut quand même imaginer qu'on vient d'assister à des tripes d'un bébé alien de 2 mètres qui se font aspirer par l'air en dehors du vaisseau. On voit chaque partie de chaque tripe sortir par ce petit trou de la vitre par lequel est aspiré. Et en face, c'est là où cette scène, en plus d'être gore, est très troublante et qu'elle est absolument ahurissante, on a le visage de Ripley qui assiste quand même à la mort de son enfant, qui est ému aux larmes. Mais non seulement elle assiste à la mort, mais c'est elle qui le tue. C'est ça, qui assassine son propre enfant. Et il y a ce visage, parce qu'on voit, d'un côté, on voit la tripaille qui sort, mais en même temps, on voit aussi les contorsions du visage de la bête, et avec ce regard interrogatif. C'est pourquoi tu me fais ça. Pourquoi tu me fais ça? Et vous avez entendu, même dans la version française, les cris, c'est pas du tout les cris qu'on a entendus pendant toute la série Alien. C'est des cris qui sont eux aussi matinés d'humanité. C'est des cris d'une souffrance qui sont pas que des cris de bête. Il y a une sorte d'humanité. Et ce vestige d'humanité, c'est quelque chose qui court. Et c'est très intéressant ce que dit Jean-Pierre Jeunet par rapport au gore en disant on peut aller là parce que c'est pas des êtres humains comme dans Delicatessen. Parce que l'autre scène très très importante dont on n'a pas encore parlé dans Alien la Résurrection, c'est la scène où elle découvre le laboratoire de ses clones. C'est-à-dire qu'avant de réussir à la cloner, les savants ont fait des tas d'essais où ça n'allait pas. Parce que finalement, l'alien qui était en elle était trop mariée avec son ADN. Et au lieu de détruire au fur et à mesure ces essais, on les a gardés dans un espèce de laboratoire. Et dans une séquence vers le milieu du film où elle est en fuite avec ses compagnons, elle ouvre la porte et elle ouvre la porte par hasard et elle découvre tous ces clones ratés, ces doubles d'elle-même. Certains sont encore vivants. Et il y a cette image de cette Ripley dont il n'y a que la tête vraiment de Sigourney Weaver, une espèce de corps qui est à la fois écailleux, étendu, monstrueux, et qui est là et qui est en train de vivre, de survivre, et qui lui demande l'euthanasie. Et donc, elle va devoir se tuer, elle, à ce moment-là. Et c'est extraordinairement gore, extraordinairement troublant, et on sent après l'espèce de vengeance où elle va détruire tout le laboratoire, et les autres lui disent « mais tu gaspilles les munitions », alors qu'on est, il y a l'alien qui nous cavale au cul. Mais elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça parce que c'est tellement terrible ce qu'elle vient de voir. Et cette scène, à la fin, fait évidemment réponse à cette scène où elle se tue elle-même. C'est-à-dire qu'après cette tue elle-même ses clones ratés, elle tue son propre bébé. Cette scène de la découverte des clones est presque encore plus épouvantable que la scène où elle tue son bébé humain, alors qu'elle est très différente. Il y a pas, là, on voit des corps atrophiés, mais on voit pas de sang, on voit pas de tripes, on voit juste des essais d'elle-même ratés. Et là, pour le coup, elle est vraiment en larmes. C'est un moment presque mélo du film, parce que à raison. Enfin, le spectateur ne peut pas ne pas être ému en voyant ça, mais qui joue ici sur quelque chose encore de différent. C'est elle-même qui pleure presque de ce que l'humain impose aux humains. C'est la source de désespoir. Et là, c'est vraiment du désespoir. Et c'est le cœur de la série Alien. Parce qu'au cœur de la série Alien, c'est toujours l'humain qui a imposé des choses horribles aux humains. C'est, dès le numéro 1, c'est l'humain qui a programmé ce vaisseau spatial pour que ces êtres humains soient sacrifiés afin de récupérer l'alien sur Terre, pour en faire des tas de trucs, le vendre, en faire des trucs médicaux. Et à chaque fois, c'est l'être humain qui a une espèce d'apprenti sorcier et qui considère que la vie humaine ne compte pas. Qu'on peut la reproduire en laboratoire, qu'on peut la détruire, qu'on peut la malaxer, qu'on peut la transgresser. Et ce qui est beau dans ce dernier volet de la tétralogie, c'est que c'est le clone, ce que vous disiez tout à l'heure, Adèle, qui ramène l'humanité en disant c'est pas possible de laisser vivre de telles aberrations de la nature, enfin, ou de la nature, de la science. On va les éradiquer. Et en quelque sorte, c'est le mythe de la Belle et la Bête qui est réinventé avec son fils, comme c'est réinventé face à elle-même. Et quand, je vous disais tout à l'heure, le cinéma d'horreur comme miroir de la société, miroir de nous-mêmes, là, on est dans un jeu de miroir, de mise en abîme hallucinant. Et à la fin du film, il se dirige vers la planète Terre. On ne voit pas cette planète. On ne voit pas, parce que ça deviendrait forcément un autre film, parce que se pose à ce moment-là la question comment on la représente. Alors, ceux qui sont très très curieux, parce que Jean-Pierre Jeunet a tourné des plans sur Terre, donc ceux qui sont très curieux peuvent aller voir la version alternative qui existe sur le Blu-ray, où vous verrez une séquence sur Terre. Alors, est-ce que c'est la planète bleue? Est-ce que c'est la post-apocalypse? Je laisse le soin de voir, mais c'est pas intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est la question qui est ouverte. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et elle sait d'autant plus quoi faire qu'elle ne se reconnaît pas en humain. C'est pas Ripley qui revient sur Terre, sa chère Terre, où elle va pouvoir reprendre sa vie. Non, parce qu'elle est étrangère dans ce monde, elle est étrangère dans tous les mondes. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce tandem, il nous reste un droïde et un clone. Et avec ça, est-ce qu'on va pouvoir continuer l'humanité? On l'espère. Il n'y a jamais eu de suite à ce film. Non, puisque les nouveaux aliens qui ont été faits après sont des prequels, c'est-à-dire qu'on vient avant. C'est-à-dire qu'on peut pas. Je trouve que peut-être que des scénaristes attirés par l'argent nous feront des suites d'Alien la Résurrection. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après on a eu Prometheus, qui est la naissance des créatures qui sont à l'origine du Space Jockey. Vous savez, cette espèce de créature fossilisée qu'on voit dans le premier Alien, là où il y a les œufs. Et après, il y a eu Alien Covenant, qui se situe entre Alien, le premier, et Prometheus, et qui explique davantage, qui fait le lien entre et qui devrait être suivi par sans doute une trilogie. Une trilogie qui sera une trilogie préquelle d'Alien. En fait, on arrive très très bien à voir, mais c'est quand même moins intéressant. Il me semble que tout a été dit avec la fameuse tétralogie Alien, ouais, dont le quatrième volet est celui dont on parle aujourd'hui, celui de Jean-Pierre Jeunet. Voilà, donc faut pas forcément souhaiter une suite à ce quatrième Alien. En tout cas, il faut souhaiter une réédition immédiate de votre livre, Philippe Rouillet, Le cinéma gore, une esthétique du sang, aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Alien aujourd'hui. Merci à vous. Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité, actualité éditoriale aujourd'hui, je crois. Oui, exactement. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'un ouvrage de Juliette Grange sur les néoconservateurs paru aux éditions Pocket. Eh bien, c'est à peu près au même moment qu'est sorti ce dictionnaire tout à fait passionnant du conservatisme aux éditions du Cerf. De là une question, qu'est-ce que les philosophes ont donc avec le conservatisme? Aurait-il une passion pour la conservation? Alors en fait, on pourrait poser exactement la même question à l'égard du progressisme. Qu'ont en fait les philosophes à l'égard de tout mouvement de pensée qui s'ancre dans un contexte politique, mais prend une forme tout à la fois sociale et esthétique? Alors voilà, c'est plutôt ça ma question, appliquée donc au conservatisme aujourd'hui. D'où vient cette fascination, au-delà de la dimension critique et réflexive, pour une pensée qui, quoi qu'elle soit conservatrice, prend une forme plastique, traverse les époques et se transforme, imprègne plus que les esprits les manières de vivre. Thank you so much. It's so great to be in Iowa. We're here just thawing out. Looking around at all of you, you hard-working Iowa families, you farm families and teachers and teamsters and cops and cooks, you rock and rollers and holy rollers. I was told, you know, warned left and right, you are going to get so clobbered in the press. You are just going to get beat up and chewed up and spit out. And, you know, I'm thinking, and, yeah. Qu'il s'agisse de l'essai de Juliette Grange et ses très critiques qui détectent les manœuvres des conservateurs ou de ce dictionnaire du conservatisme, donc qui paraît aux éditions du Cerf sous la direction, je le précise, de Frédéric Rouvillois, Olivier Dard et Christophe Boutin, tout mouvement de pensée et donc le conservatisme s'incarne dans des personnages. Sarah Palin, qu'on a entendue, égérie du Tea Party, en est une. Elle incarne un renouveau de ce mouvement, plus visible, plus décomplexé, et même une mode de ce mouvement venu d'outre-Atlantique. Mais comme l'indiquent d'entrée les trois auteurs de ce dictionnaire, plus qu'une mode qui sévit en Europe et en France également, en témoignent les ventes d'auteurs qui s'en réclament, Éric Zemmour, Philippe de Villiers ou Patrick Buisson. Il s'agit de voir en quoi consiste ce mode de pensée. De gauche et de droite, anti-révolutionnaire mais pas tout le temps contre le progrès, à la fois contre la démocratie mais pour la République, un jour anti-libéral, l'autre libéral, entre ces oscillations sémantiques et le flux de l'histoire, comment définir le conservatisme ? Est-il comme le temps chez Saint-Augustin ? On sait par intuition ce que c'est mais on ne saurait le définir. Et bien face à la plasticité du terme, autant prendre le parti de l'exemple et de l'entrée-clé comme le fait ce dictionnaire. Vous croyez qu'elle fricote avec le patron ? Ce vieux singe ! T'es pas folle, non ? En tout cas, elle doit avoir une drôle d'existence. Chaque soir, elle disparaît, elle veut jamais qu'on la raccompagne. Toi qui vis avec elle, tu dois savoir ce qu'elle fait. Ça me regarde pas. Elle a sans doute un type. C'est son droit, non ? Oui, mais elle est aussi mystérieuse que le fétiche de Madame Louise. Oh ! Mais ce n'est pas la même chose. Oh. S'il avait quelqu'un, elle serait heureuse. Elle a plutôt l'air déçue par la vie. Est-ce que tu peux être naïve, ma pauvre fille ? Vous avez reconnu Philippe Rouillet ? J'hésite. Allez-y, lancez-vous. Est-ce que c'est 8 femmes ? Non. Les bonnes femmes ? Oui. Ah, voilà. Bravo. Pas loin, les bonnes femmes. Bravo, bravo. Donc, Les bonnes femmes de Chabrol de 1960. Je cite donc un extrait de l'entrée cinéma dans ce dictionnaire où le pamphlet radical contre le dérèglement nihiliste de toute une société. Alors effectivement, le cinéma, on trouve un cinéma conservateur, Clint Eastwood, Jean Gabin et donc Claude Chabrol en partie. Et effectivement, quoi de mieux pour saisir un mouvement de pensée comme le conservatisme que de le faire par une image en mouvement. Et pourtant, le paradoxe est là, au service d'une pensée de l'ordre, un moyen qui joue le mouvement. Que restaure alors ces images ? Que prône un tel cinéma ? Là encore, le conservatisme éclate-t-il par des figures, des personnages originaux et décomplexés qui maintiennent l'ordre tout en le renouvelant ? Eh bien, il faut lire cette entrée géniale donc sur le cinéma de Ludovic Maubreuil, car on y voit que c'est souvent le cinéma conservateur qui est le plus souvent avant-gardiste, quand les défenseurs du progrès s'enlisent dans des poncifs bien pensants et des mises en scène sans saveur. Le vivant actuel ne ressemble que très loin au vivant d'il y a même seulement peut-être 20 ans. Donc je lui ai donné un autre nom d'une façon expérimentale. Pour autant que la fête qui, dans les temps historiques, était une rupture dans le continuum de la vie quotidienne, est devenue, me semble être devenue, plus ou moins le tout, ou être en cours, en passe de devenir le tout de la vie quotidienne et le continuum même de la vie. Donc j'appelle l'habitant heureux de cette mutation, je l'appelle Homo Festivus. Deuxième exemple, donc après le cinéma, un personnage haut en couleur s'il en est, Philippe Muret, que l'on entend ici en 1999, c'était au micro de François Angelier et auquel donc une entrée est entièrement consacrée dans ce dictionnaire. À l'égalisation du progressisme, au nivellement de la démocratie et à la masse festive, s'oppose donc un Philippe Muret, l'œil et la méthode d'un Philippe Muret. Et c'est peut-être cela, le conservatisme, plus qu'une mode de pensée, comme on le disait, un mode de pensée, une méthode donc qui s'oppose au tout et à ses préjugés, scrute les tendances trop massives, pose un regard soupçonneux sur les consensus. Du terme abstraction à zouave pontificaux, de Balzac à Tocqueville, ne soyons donc pas conservateurs à l'égard du conservatisme, posons sur lui le même regard critique qu'il pose sur le reste. Sarah Pauline, Philippe Rouillet, François Angelier et Philippe Muret dans une même émission, on frôle le mauvais genre là, Géraldine. Alors dites-nous le titre de ce livre. François Angelier peut se faire du souci. Alors le titre c'est Le dictionnaire du conservatisme, c'est aux éditions du Cerf, c'est sous la direction de Frédéric Rouvillois, Olivier Dard, Christophe Boutin et je rappelle qu'il y a donc cet ouvrage de Juliette Grange aux éditions Pocket, Les néoconservateurs. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission avec David Pargamin, Louis Servet, Marianne Chassor et Géraldine Mosna-Savoie, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son Delphine Baudet. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle saison des chemins de la philosophie, une nouvelle rentrée, une nouvelle émission qui ressemble beaucoup à celle que vous connaissez. Et on a hâte de vous retrouver dès lundi. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette série d'émissions autour du cinéma, c'est très simple. Rendez-vous sur France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de votre choix en ligne ou bien les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook où nous attendons vos remarques et commentaires. À lundi avec grand plaisir, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.